même en vie qu'il y a. J'suis venu au monde tout comme toi, frère. Évite cette drogue dure, celle que tu consommes. Mes paroles sont hardcore, mais la mélodie vous console. Le monde est meilleur comme dit Tony. J'veux le pouvoir pour niquer la vie. Dire que j'voulais être mané, mais sans me faire buter au milieu du film. Ici c'est un peu comme Hollywood, mais sans trucage. On croit stopper la violence en mettant les criminels en cage. Dans la vie j'avance, tout en niquant mes avances. Tout en mettant un peu de côté parce que j'suis noir en France. On dit que j'suis cool, mais un peu timide. Même mes proches ont du mal à me définir. J'suis tout simplement rieur, méfiant, gagneur. Juge par toi-même parce que personne ne fera à ta place. Ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Prince de la ville, je réalise. Et soudain, je réalise mes voeux. Manu est sympathique, mais un peu vieux jeu. On joue avec les mots comme les femmes jouent avec mes sentiments. Ouais, t'as sorti la patate, donc je suis arrivé gentiment. Dans la vie, je suis simple, sapé classique. J'aime les bonnes bouffes et les meufs, tout ça c'est physique. Je suis au monde tout comme toi, frère. Je suis au monde tout comme toi, frère. Je suis au monde tout comme toi, frère. Je suis au monde tout comme toi, frère. 8000 km me séparent de mon père. Je veux pouvoir partir au pays demain avec la même envie qu'hier. Là-bas y'a les mêmes problèmes qu'hier. La métropole néglige les tom-toms. Et trop de jeunes qui galèrent. Rien n'est comme dans le sitcom. Je suis venu au monde tout comme toi, frère. Avec ce peu de temps pour construire. Les enculés pour me détruire ce que t'as mis en place. Avant d'être en place, comme deux ou trois places. Avant qu'on te remplace, tout est précaire. Bonhomme, prends tes repères avant qu'on te repère dans la masse. Et puis tant, le temps tourne les amis en ennemis. Les ennemis deviennent ennemis pour la famille. Ta vie se poursuit et s'enlise. J'ai pris le temps qu'il faut avec mes qualités, mes défauts. Il en faut pour faire ce truc sur lequel tous les jeunes tripent. Je néglige de rien, même les critiques sont bonnes à prendre, bonhomme. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, bonhomme. Je suis venu au monde tout comme toi, frère. Je suis venu au monde tout comme toi, frère. J'ai la dalle, car je viens du hall. Pas d'alcool, avec le son, je décolle. Dédié au petit grand gros, rap tatou. La misère est partout, même en bas de chez nous. Je suis venu au monde tout comme toi, frère. Pour tout prendre, ne rien rendre de ce que j'ai gagné. À la sueur de toutes ces années, la tragédie va naître. J'étais pas le premier de la classe, mais le premier de la place. À foutre la merde en place. Pourtant j'aurais voulu faire plein de trucs. On m'a dit pour moi c'est vie active, alors tu feras qu'un truc. Tu vois, je suis pas fonctionnaire ni avocat. Mais combien de jeunes sont dans mon cas ici? Les bandits, je côtoie et la justice devient l'ennemi. Donc je me suis mis à cogiter, pas horrifié combien de vies peuvent osciller. Je suis venu au monde tout comme toi, frère. Peut-être pas avec les mêmes envies. Peut-être pas avec les mêmes galères. C'est ma personne, Manu K. Pour le manuscrit, écrit en 9 lettres. La tragédie va naître. Tout comme toi, frère. NSCS Pionnage.